Ok, ouais. 1, E, H, I, L, tu le sais, yeah. Tu connais la vibe. Embauche-moi, et puis c'est tout. Embauche-moi, s'il te plaît, embauche-moi. Car faut que je bosse, moi, plutôt que je bosse pas. Je n'entorse pas le règlement, je m'emporte pas, je suis sûr de moi. Je suis motivé, si tu sais pas, tu me demandes. Embauche-moi, s'il te plaît, embauche-moi. Car faut que je bosse, moi, plutôt que je bosse pas. Je n'entorse pas le règlement, je m'emporte pas, je suis sûr de moi. Je suis motivé, si tu sais pas, tu me demandes. Yo, ça fait 2-3 semaines que je me suis remis sur la scène de l'emploi. En cherchant le contrat qui fera de moi un mec comblé, content, gagnant du blé, content, ayant dupé un recruteur. Enrobé. Après le plan ANPE, je suis passé au plan P nommé ADE. CCO, donc un peu plus chaud. J'allais cesser, mais j'ai peut-être un CDD sous la main. C'est ce qu'on m'apprend ce matin. Après un entretien hôtel avec madame machin, je me suis arraché, lui ai dit que j'avais changé. En fait, c'est une belle mélodie que je lui ai chantée. Mais ça a marché, elle m'a dit qu'elle allait démarcher. Son client est sur ce poste, tenté de me placer. Puis m'a confirmé un rendez-vous d'une journée dans une agence entourée d'autres chômeurs confirmés. Embauche-moi, s'il te plaît, embauche-moi. Car faut que je bosse, moi, plutôt que je bosse pas. Je n'entorse pas le règlement, je m'emporte pas, je suis sûr de moi. Je suis motivé, si tu sais pas, tu me demandes. Embauche-moi, s'il te plaît, embauche-moi. Car faut que je bosse, moi, plutôt que je bosse pas. Je n'entorse pas le règlement, je m'emporte pas, je suis sûr de moi. Je suis motivé, si tu sais pas, tu me demandes. Levé à 8h du mat, plus trop l'habitude. Donc tous les gens que je croise me matent bizarrement. Ça me fait rien, je suis concentré également. Déterminé à décrocher staff. Pas besoin de calmant, j'y vais poser. Arrive me poser, viens me proposer pour me faire quelque peu baisser. Mais je garde le sourire car c'est ça ou pourrir dans mon coin. Ouais, c'est bosser ou mourir de faim. Bref, enfin le test entre les mains. Le genre de truc qui fait stress pour 3 fois rien. Je le fais en 2 temps, 3 mouvements. Je me tais et j'attends, je montre que je suis patient. Quelques candidats me paraissent battants. Ils se mettent out par eux-mêmes, j'en attendais pas tant. Moi je fais le mec sûr de soi, un vrai combattant. Je suis retenu pour l'après-midi, donc je suis trop content. Embauche-moi, s'il te plaît, embauche-moi. Car faut que je bosse, moi, plutôt que je bosse pas. Je n'entorse pas le règlement, je m'emporte pas, je suis sûr de moi. Je suis motivé, si tu sais pas, tu me demandes. Embauche-moi, s'il te plaît, embauche-moi. Car faut que je bosse, moi, plutôt que je bosse pas. Je n'entorse pas le règlement, je m'emporte pas, je suis sûr de moi. Je suis motivé, si tu sais pas, tu me demandes. Arrive 15h après un maxi burger du KFC, plus qu'un quart d'heure avant de passer en face à face avec une meuf plutôt glacée. Je le sais, mais je suis quand même trop pressé. Arrivé dans son bureau, je m'assieds sans me sentir oppressé quand elle me dit de me présenter. Dans ma tête, je me dis, je suis Phil, un MC de Lille, marrant et tranquille. Mais vu sa tête, je lui dis que je suis un mec qui en veut, que j'ai la technique pour faire impeccablement ce qu'elle veut, que j'ai envie d'évoluer, envie même de suer, envie d'éternuer. Merde, je lui en ai mis plein à la tête. Je m'excuse et m'entête, je veux ce poste, elle m'arrête. On vous rappellera pour vous prévenir, hein. Je lui dis à bientôt, elle me répond que je peux sortir. Embauche-moi, s'il te plaît, embauche-moi. Car faut que je bosse, moi, plutôt que je bosse pas. Je n'entorse pas le règlement, je m'emporte pas, je suis sûr de moi. Je suis motivé, si tu sais pas, tu me demandes. Embauche-moi, s'il te plaît, embauche-moi. Car faut que je bosse, moi, plutôt que je bosse pas. Je n'entorse pas le règlement, je m'emporte pas, je suis sûr de moi. Je suis motivé, si tu sais pas, tu me demandes. Embauche-moi, s'il te plaît, embauche-moi. Embauche-moi, allez, embauche-moi. Embauche-moi, putain. Tu vas m'embaucher, ouais. Merde, merde, merde.